Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'Action Non-Violente, de l'association Sortir de la Violence et de l'association pour la Communication Non-Violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. AIMSA. Alors nous sommes le 5 avril. Le 5 avril, c'est la journée internationale de la conscience. Et j'ai insisté pour que cette journée sur la paix se passe aujourd'hui. Parce que la conscience est pour moi une des clés pour désapprendre la violence et cheminer vers la paix. C'est la conscience qui nous permet de questionner nos multiples représentations du monde, individuelles et collectives, qui sont à l'origine de nos habitudes relationnelles, de nos comportements, qui parfois, pour ne pas dire souvent, entrent en conflit et peuvent mener jusqu'à la violence. J'ai eu la chance d'assister au premier forum des acteurs de la non-violence, créé et organisé par Thierry Gautret de la Mauricière que vous venez d'entendre à la Fondation Good Planet. Un forum placé donc sous le signe de la conscience. S'il semble que la connaissance du bien, du mal, de nos privilèges, des systèmes de domination et de ce qu'il faudrait faire pour que ça change n'a pas encore réussi à prévenir nos comportements destructeurs, la conscience le peut-elle ? Peut-elle empêcher la violence, la restreindre, la circonscrire, la transformer ? Et si oui, qu'est-ce que cette conscience qui nous fait si souvent défaut ? Véronique Chenet-Cluzel, coach et instructrice mindfulness, tente de définir l'indéfinissable. La conscience, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Et dans cette occurrence, l'inverse, ça serait en fait l'inconscience. Dès qu'on veut définir une notion infinie, eh ben, on va la réduire. Et quelque part, c'est aussi la même chose qu'on retrouve dans toutes les religions du livre, où on dit qu'on ne représente pas Dieu, parce que pour les religions, Dieu est trop vaste. Donc, si vous voulez, la conscience qui est vaste et infinie, on peut l'approcher, mais on ne peut pas la définir. I am a river of light. You are a river of light. Take us through the night. For we are a river of light. Comment incarner une notion infinie ? Tout comme la voix a son origine dans le corps et demeure pourtant un mystère qui nous ramène sans cesse à cet invisible dont nous sommes tous tissés. De même, la porte d'entrée de la conscience passe peut-être par la connexion au corps, l'écoute du corps. C'est ce que propose Jean-Gérard Bloch, médecin et créateur des diplômes universitaires médecine-méditation. Alors, la paix et la conscience. Comment est-ce que je peux incarner ça ? Comment est-ce que ça peut être quelque chose qui n'est pas seulement décrété, pensé intellectuellement ? Et c'est toute la question de la conscience. Et je vous invite fur et à mesure de mon propos, à faire un certain nombre d'expériences justement de ce qui se vit intérieurement dans différentes occasions. Avec une première proposition, il y en a certainement parmi vous qui méditent régulièrement, d'autres pour qui ça peut être totalement nouveau. Une invitation à pour commencer, vous accueillir, prendre un petit temps pour ça, confortablement installé, et de prendre un petit temps pour faire ce tact volontaire, assez inhabituel dans notre vie en général, de tourner son attention vers ce qui se vit intérieurement. Vous intéresser à ce dont vous faites l'expérience, en particulier en termes de sensations dans le corps. L'accueil de soi, de ses sensations corporelles, serait un premier pas, un pas en avant vers cet inconnu que nous portons au fond de nous. Le pas en avant, c'est justement le nom de l'atelier proposé par Isabelle Batteste aux participants et participantes du forum. Isabelle est associée chez Belu Games, une entreprise de jeux coopératifs et co-créatrice de la fresque de la diversité. Les personnes arrivent, elles sont rangées par catégories, a priori des catégories qui ne sont pas discutables. Enfin, là, je leur ai demandé de se répartir par catégories d'origine géographique. Et du coup, déjà, on voyait qu'il y avait une répartition qui était assez inégale. Personne, rive gauche, c'était que deux ou trois, elles ne se sentaient pas très, très à l'aise, alors que le reste du monde et de la France étaient très nombreux. Et après, je partage un certain nombre d'énoncés. Et les énoncés, quand les personnes elles sont d'accord avec, elles s'avancent d'un pas pour se retrouver dans un groupe commun, en fait. Et ça commence très tranquillement, parce qu'au début, qui adore cuisiner? Donc voilà, les personnes s'avancent. Et puis, petit à petit, on va sur des sujets plus intimes, et puis sur des différences qu'on peut avoir ou des a priori qu'on peut avoir les uns sur les autres, sur par exemple la question du handicap, la question de la mort, la question de la famille, de comportements qu'on a pu avoir plus jeune, est-ce qu'on a été discriminé, est-ce qu'on a été discriminant. Enfin, le but c'est ça, c'est de mettre de la conscience qu'au-delà des préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres, en fait finalement on a beaucoup plus à partager que ce qu'on imagine. La conscience peut-elle combler le fossé que nous ressentons parfois entre nous et les autres et qui est si souvent à l'origine de la violence ? Est-elle ce qui nous rassemble ou ce qui nous sépare ? Yves Rossetti, chercheur en neurosciences, mène des expériences qui prouvent que ce qui peut surtout nous relier, c'est, pour paraphraser Socrate, la conscience que nous ne savons pas. Si je crois que tout ce que je perçois, c'est la réalité, en bloc, je perçois tout, alors il n'y a plus de place pour rien d'autre, sauf pour ceux qui sont d'accord. Si je commence à douter de ma perception, alors je fais une petite place, plus ou moins grande d'ailleurs, ça peut grandir, au point de vue de l'autre. Et donc, c'est la première pierre de l'ouverture à autrui, c'est de douter de sa relation au réel, du fait que ce qu'on voit, c'est la réalité. Et donc, ce que je propose, c'est de redescendre vraiment sur le niveau le plus élémentaire possible, jusqu'au point de montrer un objet qui va apparaître, nous sommes l'un face à l'autre, si je le plaçais au milieu entre nous deux, vous verriez un cercle, je vois un carré. Et le pire, c'est que quand je vois ce carré, je ne peux pas imaginer que vous puissiez voir un rond. Et que pour vous, voyant un rond, vous ne pouvez absolument pas concevoir que je puisse le décrire comme étant un carré. Et en fait, cet objet n'est ni rond ni carré, forcément. Ces objets et cette procédure que j'utilise avec les illusions d'optique, nous l'utilisons aussi à l'hôpital, en rééducation, avec des patients qui ont des difficultés à prendre en compte le point de vue de l'autre. Et c'est vraiment merveilleux d'entendre ces patients à la fin des sessions d'interaction ludique avec ces objets qui me disent « Mais docteur, vous allez changer le monde avec vos boîtes !» Changer le monde, c'est bien l'un des buts de l'engagement non-violent. Alors, comment conscience et non-violence sont-elles reliées ? Julien, Claire, Léontine et Maëva, visiteurs et intervenantes du forum, répondent. Je dirais que le lien que je fais, moi, c'est que la première non-violence, c'est celle qu'on a avec soi-même. Enfin, je vois que quand je suis aligné et que je me trouve en paix ou je me sens en paix, je vois que mes relations avec les autres sont tout d'un coup bien plus en paix elles-mêmes. Donc, je dirais un point de départ à la conscience qui m'amène à une non-violence. Pour moi, la violence vient de l'absence de réponse. En fait, on est souvent extrêmement démunis quand on en arrive à là. On est impuissant. Et donc, c'est ce qui ressort parce que c'est un peu animal. Hein, un animal blessé, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il se réfugie, il se terre, soit il agresse. Hein. Donc, le fait d'être en conscience de soi, de l'autre, de notre vulnérabilité, des blessures, de l'état du monde, redonne un certain pouvoir sur la réponse et la relation et le dialogue qu'on va avoir avec la situation. Ça ouvre quand même un champ des possibles en termes d'action. Moi, je fais un lien très proche entre la conscience et l'agir, quoi, vraiment. Pour moi, vivre la non-violence, c'est être conscient que la violence a plusieurs formes, dans des manières économiques, sociaux, culturelles, et humaines et puis écologiques. Donc, avoir conscience de ça, c'est déjà la première étape pour dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire avec ?» En fait, nous, on est là pour montrer que la non-violence, c'est aussi politique. C'est là où il y a de la radicalité et des choses révolutionnaires. C'est de rentrer sur le terrain de la lutte sociale et politique, de montrer qu'on peut rentrer en rapport de force, mais de manière non-violente, proposer des alternatives, des stratégies qui soient novatrices pour aller créer une société de paix juste et durable. Comment agir ensemble avec toutes nos différences, non seulement au niveau personnel, mais aussi à plus grande échelle, comme l'évoque Maëva Rouget du Mouvement pour une alternative non violente. Sophie Lewandowski et Léontine Kayser-Ganjo, toutes deux formatrices en communication non violente et actives au sein du réseau CNV Transformation sociale et écologique, tentent d'envisager la violence systémique à partir des diversités sociales, culturelles ou économiques. Même si je suis avec quelqu'un que j'aime bien, que je connais très bien comme Léontine, ou même si je suis en train de penser comme aujourd'hui ici à des projets de transformation sociaux, eh bien si j'y fais pas attention, je peux reproduire la violence parce que je peux être dans un entre-soi et puis penser que tout le monde pense pareil que moi et a la même ressource. Les systèmes sociaux existent, mais on en fait partie, c'est pas un truc abstrait. Moi, je fais partie du système social et la manière dont je vous parle ici, ça vient aussi d'une culture, d'une classe sociale et c'est un point de vue qui est complètement situé. Et à partir du moment où je comprends que j'ai un point de vue situé, eh ben alors je peux me rendre compte qu'il y a d'autres points de vue situés, que Léontine va penser autrement, qu'il y a d'autres classes sociales, d'autres groupes sociaux qui vont penser autrement. Et là, on commence le dialogue. Seulement là. Et aussi, je vais voir que j'ai un pouvoir différent. Est-ce que moi, j'ai accès facilement à ces micros, à ces scènes ? Est-ce que Léontine a accès facilement à ces micros, à ces scènes ? Est-ce que d'autres personnes qui ne sont pas là ont cet accès ? C'est pas sûr. Donc, je fais un croisement de points de vue situés en faisant attention à l'accès à la parole. Et dans notre intervention aujourd'hui, ce que nous voudrons vraiment mettre en accent, c'est de voir, avec toutes les interventions que nous avons eues ce matin, et ce que nous sommes en train de construire chaque jour, et avec nos positions de privilégiés, ces systèmes que nous sommes en train de faire, c'est la paix pour qui ? Est-ce que c'est la paix pour nous seuls, penser à partir d'un endroit à huis clos ? Ou est-ce que c'est penser avec aussi des systèmes qui, même inconsciemment, peuvent encore être dans une certaine forme de domination ou qui ne prend pas en conscience les différences culturelles, les différences sociales et les différences historiques. On n'a pas accès aux mêmes ressources pour satisfaire nos besoins. Et si on ne fait pas attention à ça, on va faire de la communication non violente, violente. On n'a pas non plus la même façon d'interpréter nos stratégies, nos besoins, nos sentiments, nos sensations, nos pensées, etc., ça donne un sens différent. Et si on ne fait pas attention à ça, on va imposer notre manière de voir individuelle et collective aux autres et on va faire de la communication non violente, violente. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce sera les CNV avec un petit parfum de Ubuntu. Ubuntu, c'est une philosophie africaine qui commence de l'Afrique du Sud jusqu'aux pays subsahariens de l'Afrique noire, j'allais dire. Et Ubuntu, c'est la conscience de notre interdépendance avec nos limites qui nous permet d'être complémentaires et ensemble nous pouvons aller loin. Parce qu'avec Ubuntu, sans l'autre, je ne suis rien ou je suis incomplet. Et avec l'autre, nous sommes complets et c'est tellement reposant. Et je vois aussi l'utilité de l'autre dans sa différence. Still your thoughts. Let them be. Find your dream. Dive into eternity. Trust your soul. Flying free as a bird, you can be. comment ça se fait que l'être humain aujourd'hui, enfin l'être humain on va dire dans les sociétés dominantes de majorité occidentale, comment ça se fait qu'on est dans cette destruction du vivant, dans cette injustice humaine, et qu'on en arrive à la destruction du système de support du vivant, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air. Un élan suicidaire, on le sait, on a toute l'intelligence et la culture et la technologie et tout ce qu'on veut pour créer des systèmes pour éviter cette destruction. On a tout ça. Et on continue pourtant à polluer, à faire la guerre, à tuer le vivant, à faire disparaître les espèces, à empoisonner l'eau, l'air et la terre. Comment ça se fait ? Arne Naess, en tant que philosophe scandinave qui écrivait d'une cabane dans la neige en haut de la Norvège, a regardé tout ça et il a dit « Nous avons perdu notre sens d'appartenance à la toile de la vie ». Et il a appelé ça, ce sens d'appartenance à la toile de la vie, notre écologie profonde, our deep ecology. Alors si Arne Naess est le papa, la maman c'est Joanna Macy, qui va sur ses 95 ans et qui est une Américaine. Et alors, elle, ce qu'elle cherchait, c'était comment retrouver notre sens d'appartenance à la toile de la vie. Alors Joanna a créé ce qu'on appelle les ateliers d'écologie profonde. C'est le travail qui relie. The work that reconnects. Ça nous reconnecte intérieurement à nous-mêmes parce qu'on est tout découpé. Mais il nous relie aussi aux autres, à tout le vivant. Comment ça se fait qu'on continue à détruire ? Cette question posée par Claire Carré, coordinatrice chez Roseau Dansant qui forme au travail qui relie, interpelle nos consciences en profondeur. Perte de lien au vivant, mais aussi perte de repères peut-être, parce que nos représentations du monde aujourd'hui sont bouleversées. C'est ce qu'explique Maxime Blondeau, cosmographe. En ce moment même, nous sommes en train de traverser une transformation, une mutation, comme il n'y a eu que... à mon sens, une ou deux ou trois fois dans l'histoire de l'humanité, une mutation cosmographique. On est en train de perdre nos repères dans nos représentations du monde, la façon dont on se représente ce qui nous entoure. Il y a le numérique qui joue évidemment, il y a la crise écologique, je vais en parler, mais on est en train de traverser une période extraordinaire de mutation en matière de conscience de ce qui nous entoure. Une des grandes, peut-être la plus grande crise cosmographique, cosmologique, où on a changé notre représentation du monde à travers l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Elle a eu lieu il y a 12 000 ans, là dans le sud de la Turquie. C'est le moment où on est passé de millions d'années de chasseurs-cueilleurs nomades à on se pose, on devient sédentaire, on s'arme d'un arsenal technique extrêmement puissant, on exploite et on extrait toutes les ressources qu'on va pouvoir trouver dans la terre que je possède. La révolution néolithique, l'invention de l'agriculture, il y a 12 000 ans. Mais vous allez comprendre que moi, mon regard singulier que je diffuse partout, dans mes conférences, c'est qu'il y a là un rapport de domination technique très ancien, très violent, qui s'appelle le néolithique, et dans lequel nous sommes encore. Ce changement cosmographique va-t-il dans le sens de la fin de cette ère de domination et de retrouvailles avec la conscience du vivant ? Ce n'est pas sûr, mais comment agir dans cette direction précise, dans cette direction que nous voulons ? Beaucoup d'interventions lors du forum ont permis d'imaginer une culture de paix et d'empathie. Alors, comment se relier ? Par quelles actions ? Voici quelques pistes. La CNV propose d'agir autrement, de faire autrement que nos habitudes relationnelles qui sont héritées de notre éducation, du monde dans lequel on vit, de plein de références culturelles et éducatives comme ça a été dit dans les conférences, sont souvent assez violentes et parfois traumatisantes. Et donc comment on sort de ça ? Thomas Donsbourg dit ça très bien, il dit « tant que j'ai pas compris que je suis dans le piège, je ne peux pas en sortir ». Et donc la conscience, c'est ce qui nous permet de comprendre qu'on est dans ce mode relationnel, qu'on est dans ces représentations du monde, qu'on est dans ces images d'ennemis. Voilà. La recherche de la paix, Nathalie Simonet, elle passe pour moi par l'acceptation du conflit. Formatrice en CNV, médiateur et fondatrice d'Émergence. Et pas du conflit comme une sorte de mal à éradiquer, hein, mais plutôt, et là j'ai envie de citer Thomas Dansbourg, j'adore quand il parle du conflit comme un ingrédient de la vie. Ça fait partie d'être un être humain, que d'avoir une perception du monde qui m'est peut-être unique d'ailleurs, et puis des fois d'avoir à la confronter avec la perception de l'autre, qui est unique aussi, mais ce n'est pas toujours simple de savoir que l'autre a une autre perception. Une collègue dont la fille a été harcelée pendant qu'elle était en primaire. Catherine Schmider, formatrice CNV et fondatrice de l'association Déclic CNV et Éducation. Elle a essayé d'alerter le corps enseignant n'a pas fait grand-chose parce qu'ils ne sont pas formés à tout ça, hein, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais voilà. Et ça s'est reproduit année après année, et elle faisait tout ce qu'elle pouvait dans l'écoute de sa fille, etc. Elle se dit, ça y est, elle va passer au collège, enfin on va être libérée, et elle se retrouve dans la classe où il y a un des harceleurs. Et là, elle dit, c'est pas possible, je n'attends pas encore. Voilà. Et elle demande à un de nos collègues, là, qui développe justement les systèmes et cercles restauratifs au sein de l'association Déclic, qui habitait pas loin, est-ce que tu es d'accord de faire un cercle? Oui, ok, ils vont voir la principale du collège et la CPE, et ils sont d'accord de tenter l'expérience. Donc il y a un cercle restauratif qui a lieu. Ça suppose avant de rencontrer les personnes en individuel autour du sujet. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet-là? Chaque personne est entendue. Ça permet vraiment que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire et qu'il fasse déjà l'expérience de cette qualité d'écoute empathique où on n'est pas jugé, et que ça leur donne confiance que quand on va aller dans le cercle, ça ne va pas être pour ce de qui a tort, qui a raison, et voilà, mais que ça va être pour voir comment on peut construire ensemble. Et ils font ce cercle. Et le harcèlement qui durait depuis 4 ans s'est arrêté du jour au lendemain suite à ce cercle restauratif. Donc voilà la puissance de ces pratiques restauratives. Une dernière chose pour vous, c'est aussi, je sais que des collègues qui sont en crèche apprennent aux enfants très tôt, à 2 ans, de pouvoir dire non avec une fermeté alignée quand un enfant veut venir leur chercher un jouet, par exemple, au lieu de frapper ou de mordre. Et les enfants arrivent à développer cette affirmation qui fait que l'autre entend aussi. Voilà, une manière aussi de poser ses limites, mais sans avoir besoin de se défendre par la violence. Quelques pistes. Autour de Sophie Lewandowski, qui est non seulement formatrice CNV, mais formatrice en théâtre forum CNV et chercheuse en socio-anthropologie. Moi, j'aime bien travailler sur les territoires. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur des conflits relatifs au racisme en éducation, ou des conflits relatifs à l'eau sur des territoires au Maroc et en France. Et on a utilisé la communication non violente et le théâtre forum CNV pour mettre en lien des groupes sociaux qui ne se parlent pas d'ordinaire. Donc, par exemple, dans le centre-ville de Marseille, on a une situation qui est un petit peu tendue parce que la population est majoritairement issue de l'immigration, avec des cultures différentes, et majoritairement, socialement, économiquement, extrêmement défavorisée. Et on a une classe enseignante qui est plutôt d'origine française sur plusieurs générations, de classe moyenne sup, qui vient enseigner. Et il y a beaucoup d'incompréhension, il y a aussi des rapports de pouvoir dans l'éducation des jeunes. Donc, ce qu'on a fait, c'est des ateliers avec d'abord les parents, c'était surtout des mamans, les enseignants à part, les éducateurs à part, les responsables d'associatifs à part, et puis quelques responsables territoriaux de la métropole, etc. Pour qu'ils se donnent déjà de l'empathie systémique, essayer de comprendre en fait les racines du problème chez eux et comment les systèmes les traversent et pourquoi ils ne s'entendent pas. Et ensuite, on a demandé à des volontaires de se retrouver pour faire une pièce de théâtre forum CNV et faire un spectacle qui tourne dans les quartiers. Et au moment des représentations publiques, on va aller chercher aussi des nouvelles idées à chaque fois avec les spectateurs. Et ça a permis quand même pas mal d'améliorer les relations au quotidien dans les écoles, c'était des écoles primaires et des collèges, de compréhension entre ces groupes sociaux différents. Et donc ça se fait par étapes. Est-il possible d'allier ces pratiques qui demandent du temps à l'urgence du bouleversement climatique et technologique que nous vivons? En anthropologie, on apprend depuis très tôt, quand on fait l'anthropologie, que les systèmes techniques altèrent, transforment notre perception de l'espace et du temps. Si vous êtes un utilisateur, vous n'avez pas le feu, vous avez le feu, votre perception de l'espace et du temps est complètement transformée. Vous êtes un utilisateur, vous avez un iPhone, pas un iPhone, votre perception de l'espace et du temps est transformée. Donc les systèmes techniques jouent justement sur la conscience que l'on développe de l'espace et du temps. Les systèmes techniques sont à la base de notre conscience du monde, dans le positif, dans le négatif. En tout cas, c'est crucial. Donc c'est pour ça que moi je m'intéresse à la géoconscience, à la bioconscience, à la technoconscience. À chaque fois qu'il y a eu des ruptures technologiques importantes... Dominique Stiller est professeur et titulaire de la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. On a vu les deux possibilités germer assez vite, c'est-à-dire tout ce que ça peut nous apporter de bien et tout ce que ça nous apporte de mal. La semaine dernière, j'étais dans une autre table ronde où quelqu'un était là pour présenter les intérêts de l'intelligence artificielle et il nous a présenté tout un ensemble d'intérêts qui sont vraiment très très agréables. Sauf que en moi, il y a un vieux truc de militaire là qui sait très bien qu'à chaque fois qu'on a inventé une technologie nouvelle, le maximum de budget, les meilleurs ingénieurs, le temps principal passé, pour l'instant, a servi à une chose fondamentale, c'est créer des armes. Donc j'ai à la fois une vision d'intérêt, parce que je vois bien tout ce qu'on pourrait en faire, et puis j'ai une vision d'inquiétude de qu'est-ce qu'on va en faire vraiment. Pour anecdote, dans les années 80, quand les personal computers sont sortis, l'info principale du marketing, c'était « Vous verrez, avec les ordinateurs personnels, votre temps de travail va réduire. » Retournez aux pubs, hein, vous verrez, c'était ça la pub principale. C'était « On va gagner du temps pour nous. » Je ne sais pas ce que ça a provoqué pour vous. Pour moi, ça n'a pas provoqué ça. L'intelligence artificielle pose la question de la conscience de manière cruciale. Ne nous éloigne-t-elle pas encore davantage du vivant ? N'est-elle pas la continuation du paradigme de domination par la technique ? Ne pose-t-elle pas des questions d'ordre ontologique, certains étant prêts à croire qu'elle pourrait se doter d'une conscience ? Quelle bouée de sauvetage dans ce monde où tout va si vite ? L'idée de la paix économique, ça va être vraiment de se rendre compte à un moment donné qu'on baigne dans un paradigme particulier et que depuis un certain nombre de dizaines d'années, ce paradigme est principalement dominé par la vision économique. Si je le regarde autrement, nous sommes tous une forme d'homo economicus, c'est-à-dire des gens qui n'ont des actions que pour leur intérêt bien compris, quelle que soit l'action qu'ils engagent, qui est à peu près le regard du monde néolibéral. Et ce paradigme-là va teinter plein de choses. Je vais prendre un exemple qui est présent depuis ce matin. Le monde occidental, percevant la vie principalement à travers l'individu, depuis ce matin, quand on parle de conscience à partir de l'individu. Mais le monde africain ne parle pas de conscience à partir de l'individu, il parle de conscience à partir du groupe. La philosophie Ubuntu est « nous sommes donc je suis ». C'est-à-dire que le point de départ de conscience est sur le groupe, pas sur l'individu. Nous baignons dans la conscience collective. Mais nous l'oublions si souvent. Oh, silence, take me in your arms. I am tired. I need you to recharge. Est-ce que la méditation serait une piste pour nous relier à cette conscience, au vivant ? Une piste d'action pour une culture de paix et d'empathie tout en répondant aux urgences vitales créées par la culture de domination ? Eliane Régis est formatrice en CNV et praticienne de méditation pleine conscience. La pleine conscience, elle est toujours la pleine conscience de quelque chose. Et donc, quand je parle, est-ce que je suis pleinement conscient de mes pensées, de mes sensations, de qu'est-ce qui se passe ? Et là, on voit déjà le lien avec la communication non-violente qui nous aide à clarifier, mais qu'est-ce qui se passe pour moi ? Pleine conscience aussi quand j'écoute l'autre, mais qu'est-ce qui se passe pour l'autre ? Je ne vais pas prendre soin de moi aux dépens de l'autre. Là, dernièrement, j'ai écrit un article dans Sagesse Bouddhiste, justement sur la CNV et la pratique de la pleine conscience. Voilà, parce que moi, je suis une disciple de Thich Nhat Hanh, qui est donc un moine zen vietnamien. Thich Nhat Hanh, grand apôtre de la non-violence également. Eh bien oui, et puis son expérience, c'est pas du discours. Il l'est. Et toute sa pratique et témoignage par rapport à la guerre du Vietnam. Et comment, moi, je suis tellement touchée quand je l'entendais témoigner de comment il organisait des retraites aussi pour des vétérans du Vietnam américains. C'était magnifique, quoi. Donc, magnifique. J'étais très, très touchée de voir cette qualité d'amour. La méditation a-t-elle un rôle à jouer dans la police, la cité ? Est-elle politique ? Ilani Tatia, fondatrice de WeSit, une communauté de méditants, répond. Ça dépend du sens qu'on met dans le mot politique, mais elle a son rôle dans la cité, c'est sûr. Je rêve que dans nos villes, il y ait des lieux de méditation laïque qui regroupent tout le monde, qu'on puisse voir dans les parcs, dans les places. De temps en temps, je vais méditer sur les marches de l'opéra, qu'on mette la méditation et une autre façon d'être dans notre société. Donc oui, ça, c'est assez politique. Mais comment la pleine conscience peut-elle s'envisager dans les guerres économiques et armées qui font rage actuellement ? Didier Van Kovalert, dans son livre « La bienveillance est une arme absolue », il y a un chapitre assez sidérant où l'ONU fait une expérience avec des scientifiques. Ils ont fait venir des méditants expérimentés et ils les ont fait méditer en plein milieu de zones de conflit. Il y a eu des expériences répétitives, mesurées. Chaque fois que les méditants étaient ensemble avec une intention de paix, le conflit diminuait en intensité. Il n'y avait pas de gros impact pendant ces moments. Chaque fois. Le problème, chaque fois que ces méditants s'arrêtaient, ça repartait. Donc là, il y a comme une conscience agissante. Finalement, le sujet est comment la conscience pourrait redonner au monde son souffle vital. Paix, il nous faudra éduquer d'une manière radicalement différente les prochaines générations. C'est une phrase de Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, et qui a œuvré pour sa diffusion dans le monde, œuvré pour un monde où les besoins de chacun pourraient être pris en compte de manière pacifique. Et j'ai envie d'ajouter, si nous voulons la santé physique, si nous voulons la santé mentale, il nous faudra éduquer d'une manière radicalement différente les prochaines générations. Et si nous voulons prendre soin de l'environnement, de la nature, de la planète sur laquelle nous vivons, il nous faudra éduquer d'une manière radicalement différente les prochaines générations. Car tout est lié. Et je vais citer le poète Rainer Maria Rilke dans « Lettre à un jeune poète ». Lorsque l'on a pris conscience de la distance infinie qu'il y aura toujours entre deux êtres, quels qu'ils soient, une merveilleuse vie côte à côte est possible. Il faudra que les deux partenaires deviennent capables d'aimer cette distance qui les sépare et grâce à laquelle chacun des deux peut voir l'autre découpé dans le ciel. La musique originale de ce reportage est composée et interprétée par Jessica Underwater. Elle a été enregistrée en live durant le forum des acteurs de la non-violence. Let it go. Let it all go. Dive deep into your soul. Stand tall.